Voilà, alors c'est l'émission Sound Club maintenant. Désolé de vous couper aussi rapidement. On se retrouve ce vendredi 23. Yes. On se retrouve à la grotte avec Twan, Don Salvibes. Yes. Et encore tous les DJ qui veulent venir parce qu'il y aura un open mic, une pure vibes qui va se passer. Yes. Saïd, t'as encore un petit message à dire? Yes, Saïd, big up à tous les gars qui sont venus là. Daddy, Rudy, Esconquet de Don Salvibes. Twan de Redeem Village. Hey, Don Valdez, de Life and Creation Crew, Live Red Zone et Sideway de Hegemony Crew. Yon Manson, big up à tous ceux qui sont là, tous ceux qui nous ont écoutés, c'est Big Mafia aussi. Il y a un peu de culture, il y a un peu de culture ce soir, allez au bar à Tansin. Et à Leila qui fait de la bon son et bonne création. Sin, c'est du théâtre, mais s'il y a du bon son, Sin, ça vient du cœur, c'est réel. Big up à toutes les créations, you know. À la semaine pro. Yaman. Yeah,